Heureux de vous voir aussi nombreux aujourd'hui. J'espère que ça va rester comme ça pendant les semaines qui viennent. C'est la troisième année que j'ai la chance de donner ce cours. Et voilà, j'espère que je vais continuer à partager ma passion. C'est plutôt très bien passé les trois années précédentes. J'espère vraiment pouvoir partager certaines choses avec vous. Je vais d'abord vous parler deux secondes de moi. Et vous verrez un petit peu que je ne suis pas non plus hyper narcissique. Mais voilà, ça c'est quand même les adresses si vous voulez me contacter. Adresse professionnelle ou sur Twitter. Et je vais vous parler un petit peu de mon parcours, parce que je ne suis pas du tout un professeur académicien, plutôt un professionnel de la com depuis à peu près 20 ans. Voilà, je travaille dans pas mal d'agences, toujours du côté account et stratège. Et aujourd'hui, je suis le CEO d'une agence qui s'appelle G. Walter Thompson. Mais ce qui a surtout marqué pas mal l'évolution de ma carrière et ce qui influence également mon cours, c'est que j'ai travaillé pendant 4 ans chez Imakina, qui est une boîte full digital. Et où j'ai réinventé, j'ai redécouvert mon métier de communicateur en ayant plongé dans une boîte qui ne faisait que du digital. Et ces propos qu'on va voir aujourd'hui, on va passer 24 heures ensemble en tout, à travers 12 cours, c'est essayer de vous témoigner, de vous faire comprendre à quel point le digital influence non seulement nos vies, mais également tous les métiers du marketing et de la com. Et on va voir pas mal de choses ensemble pendant ces 24 heures. Alors, le cours a évolué, ça fait la troisième année, mais je sais qu'il y a des notes qui circulent et c'est très bien. Il y a certaines choses que je vais récupérer, mais il y a aussi, vu l'évolution du digital, pas mal de choses nouvelles qui vont arriver. Donc si on regarde un petit peu le programme qui nous attend pour les 24 prochaines heures, aujourd'hui, on va parler de manière globale de la révolution digitale et ce que le digital amène comme changement important dans nos vies, mais aussi dans la vie des entreprises. Et notamment, on va faire un focus sur la publicité et qu'est-ce que le digital implique comme changement dans la manière de travailler. Prochain cours, on fera un focus sur les marques qui ont changé leur discours et qui deviennent de plus en plus meaningful. On va parler de coach brand. Là, c'est des choses que l'on a vues déjà les deux dernières années, et l'évolution également de la relation entre les marques et le consommateur qui n'est plus du tout la même chose, notamment grâce aux réseaux sociaux, et on verra pas mal de cas concrets. Je voulais juste vous dire qu'aujourd'hui je suis un petit peu embêté, parce que je ne suis pas nul en technique, mais je n'arrive pas à configurer le son, je pense qu'il y a un problème de son, et donc je vais demander d'avoir une autre salle la prochaine fois ou de faire un check, parce que j'ai normalement plein de vidéos à vous montrer, mais juste avec le son qui sort de mon Mac, ça va être un petit peu difficile. Mais aujourd'hui, on va meubler. Troisième cours, on va parler de CRM, Customer Relationship Marketing ou Management, qui est de plus en plus important dans la personnalisation aujourd'hui des informations ou des contenus en fonction de ce qu'on aura pu observer de vous, de votre comportement. Si vous êtes un client chez Samsung et vous avez acheté le dernier Galaxy, bien le CRM veut que le prochain email, la prochaine newsletter que vous allez recevoir, logiquement, on ne va pas vous remettre une pub du nouveau Galaxy, puisque vous l'avez déjà. On va essayer de faire du cross-selling et de vous vendre autre chose. Et donc, c'est toute l'intelligence, elle est également liée aux data, qui permet d'affiner les messages par rapport au profil. Alors ensuite, on parlera du media planning, métier de media planner qui a aussi beaucoup évolué, avec l'arrivée du programmatique, où les choix des plans médias ne se fait plus uniquement par un traitement humain, mais également des machines et des algorithmes qui correspondent avec des algorithmes. Et on va voir qu'il y a quand même des tendances assez fortes. Et aujourd'hui, 30 à 40% des achats de banners classiques sont faits via des algorithmes et plus par de l'humain. On peut se poser des questions sur l'avenir des media planners. On parlera également de stratégie de contenu. Alors il y a les pubs et les concepts, mais il y a le contenu qui est de plus en plus important, qui vous influence tous les jours. Ça va être un contenu soit généré par des annonceurs qui vont faire des vidéos plutôt bien foutues, qui vont écrire des white papers, qui vont mettre des brochures à disposition en ligne, etc., qui vont tenter de vous influencer. Mais ça peut être aussi du contenu généré par le consommateur ou par des blogueurs qui vont être payés pour pouvoir influencer leur communauté. Et donc, on rentre là aussi dans des techniques de publicité qui ne sont plus les techniques d'antan, qui sont des nouvelles manières d'essayer d'influencer la perception du consommateur et de pousser le consommateur à l'achat. On parlera ensuite de Big Data et quelque chose qui me tient à cœur en ce moment, c'est toute la, toute l'évolution du marketing vers du marketing prédictif. Vous ne le savez peut-être pas, mais Facebook a aujourd'hui des modèles avec son algorithme et peut savoir quand vous allez plus ou moins, dans, à quelques jours près, mettre fin à votre relation avec votre copain ou votre copine. Pourquoi ? Parce qu'en fonction de l'analyse de la fréquence, du nombre de posts ce que vous commentez, ils peuvent dire ben, cette personne-là, dans 3 jours, va se retrouver célibataire. Ah, ça veut dire que c'est une opportunité pour des annonceurs venir avec de la pub pour pouvoir un peu vous réconforter ou pour pouvoir vous stimuler à sortir votre nouvelle compagne ou votre nouveau copain dans les vos endroits. Je schématise un tout petit peu, mais ce n'est pas de la science-fiction. Le marketing prédictif est vraiment en train de prendre une place assez importante, notamment aussi avec l'intelligence artificielle. On verra quelles sont les prémices et qu'est-ce qui va vous attendre demain quand vous serez sur le marché en com ou en marketing. Qu'est-ce qui va vous attendre et avec quoi est-ce que vous allez devoir jongler ? L'intelligence artificielle, on fera un focus spécifiquement là-dessus. Je verrai peut-être que j'inviterai quelqu'un qui est également spécialisé en neurosciences pour nous parler un peu du futur du marketing. On parlera de Search Engine Optimization et Search Engine Advertising avec des gens qui jonglent avec ça tous les jours et la stratégie de Google. On parlera également avec un spécialiste de la User Experience et de l'IA. Vous savez ce que c'est l'IA ? Information Architecture, sont en fait des gens qui, avant de développer le design d'un site ou d'une application, font toute une analyse plutôt business en disant à qui est-ce qu'on veut parler, quelle est votre cible et qu'est-ce que cette cible va chercher comme type d'information sur votre plateforme. Et en sachant ça, ils vont commencer à développer ce qu'on appelle des wireframes où on sait que le call to action ou l'action qu'on veut pousser vers cette cible-là qui va venir sur cette page-là, eh bien, on veut qu'il appuie le plus rapidement possible sur le bouton commande, par exemple, ou qu'il demande un test drive, ou qu'il demande le download d'une brochure. Et sachant ça, on crée des scénarios et on va créer une logique d'architecturation de l'information et des blocs et des boutons pour pousser les gens à agir le plus rapidement vers l'objectif qu'on s'est fixé avec le marketing. Et donc, c'est un métier qui vient avant le designer, parce qu'il faut arrêter de croire que aujourd'hui, dans les constructions de sites, et notamment les constructions de sites d'e-commerce, ce n'est plus un publicitaire ou un designer ou un quelqu'un qui pisse des lignes de code qui fait ça. Il y a d'autres métiers qui vont en amont définir la structure du site, et puis un designer va s'en occuper, et puis un programmeur va s'en occuper. Donc, je voudrais, et je ne suis pas du tout un spécialiste non plus, et vous n'allez certainement pas l'être demain, ce qui est important, et à travers tous les cours, je voudrais vraiment vous ouvrir des perspectives nouvelles sur des nouveaux métiers qui sont en train de prendre une place considérable dans l'évolution du marketing et qui seront votre quotidien demain quand vous serez sur le marché. Peut-être faire un point aussi sur le media landscape. On parle souvent de médias digitaux, mais quelle est la place du digital et des investissements dans le digital par rapport aux médias classiques ? Notamment, sachez qu'aujourd'hui, quel est le média le plus investi, selon vous, en Belgique ou partout en Europe ? Le média le plus populaire pour les annonceurs ? Google. En termes de pognon investi ? C'est la télé. 40% des investissements publicitaires qui sont faits en Belgique sont consacrés à la télévision. Et donc, il y a plein de gens qui disent « Ah, la télé est morte, parce qu'on ne regarde plus la télé ». Alors il y a un retard par rapport à des marketeers qui investissent aussi, mais à peu près entre 10 et 15% dans le digital, mais 40% ça reste la télévision. Et puis, deuxième média, la presse quotidienne. Oui, c'est pas moi qui le dis, c'est des statistiques qui sont plutôt fiables. Donc je ne dis pas que le digital ne sert à rien, le digital est très important, mais le digital également, et ça on en parlera dans ce Media Landscape. Le digital, avec les banners tels qu'on les connaît et le display ad, est amené aussi à un peu disparaître. Vous utilisez certainement tous des ad blockers qui posent un réel problème pour les annonceurs. On parle de phénomène de banner blindness, puisque vous êtes sur une page, vous ne voyez même plus du tout la pub, vous ne la regardez même pas. Donc comment retrouver de l'efficacité ben on va arriver vers des techniques différentes, notamment avec du native advertising et d'autres choses, notamment au niveau du contenu. Donc on verra ça également pour arriver peut-être avec un marketing manager d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il doit faire dans son quotidien quand il prépare un plan de campagne avec beaucoup d'ingrédients très compliqués. Et puis, en général, au dernier cours, toujours important, je fais un petit récap et j'essaye de mettre les points importants sur ce quoi vous allez devoir vous focaliser pour l'examen, en sachant que c'est pas, bon, en tout cas, je ne suis pas un académicien, donc ce n'est pas un cours à pète, c'est plutôt un cours de partage. Donc, pour ça, j'ai envie de dire, il y a peut-être trois règles à respecter. Retenez PAC. PAC, c'est quoi? C'est, je vais vous demander de participer, attend et soyez curieux. Alors, participer, n'écoutez pas juste pendant un peu moins de deux heures à déblatérer les trucs. Si vous avez des questions, posez-les. J'aime plutôt bien l'interaction et les autres années, ça s'est toujours bien passé. Et c'est plutôt enrichissant. Attend, vous êtes évidemment libre de ne pas venir au cours et je ne vais pas vous tirer la gueule parce que vous n'êtes pas là. Mais ce que je vois statistiquement maintenant, après, à la troisième année, c'est que les étudiants qui sont là sont plutôt contents d'être là parce qu'ils apprennent des choses. Parce que ce que vous avez dans les slides, c'est une toute petite partie de ce que je dis au cours. Et on est plutôt dans un échange oral. Et il n'y a pas de syllabus avec tout ce que je dis qui est transcrit, même s'il y a de très bonnes notes qui circulent et je les ai eues en main et c'était plutôt bien fait. Mais comme le cours cette année change un petit peu et je ne l'ai pas fait de manière manichéenne en disant « Oh, il y a des notes qui circulent, il faut que je change le cours », c'est parce que le digital évolue et il est nécessaire de faire évoluer le cours également. Bon. Mais donc soyez plutôt là si vous voulez vous ouvrir quelques horizons. Et puis si vous n'êtes pas là, ce n'est pas grave. Sachez que les statistiques, les gens qui ne sont pas là au cours en général, même s'il n'y a pas beaucoup de pets, c'est en général eux qui sont moins bien cotés, pas parce que j'ai les noms, mais parce que ce qu'ils me remettent sur la feuille n'a absolument ni queue ni tête, et on sent qu'ils n'étaient pas là et qu'ils n'ont pas compris les explications. Et puis, soyez curieux, pas simplement en cours, mais je vais peut-être vous donner quelques sources et quelques références. Soyez curieux, seulement, pas seulement pour vos études, mais également dans vos travaux pratiques ou dans votre mémoire. Voilà, si vous avez aussi des questions par rapport à votre mémoire, venez me les poser. Et si je peux aider, tant mieux. Voilà, ça c'était les petites notes d'introduction. Je ne sais pas, Wayne, commençons. Alors, pas vous faire un laus que le monde a changé depuis que le digital a émergé. Il a profondément changé nos vies, il change nos vies au quotidien. On ne consomme plus la télévision de la même manière, on ne part pas en voyage de la même manière. Et donc ça a changé pas mal de choses, y compris dans la consommation média. Bon, ça c'est des choses où vous ne pouvez pas revenir, c'est pour votre culture évidemment. 350 millions de photos uploadées par jour sur Facebook. 100 heures de vidéos uploadées toutes les minutes sur YouTube. Là, on est dans des choses assez extraordinaires au niveau du contenu. Et il y a une chose quand même très importante, c'est que le digital et notamment toutes les plateformes sociales ont permis en effet de redonner un peu plus de pouvoir à l'individu et un pouvoir d'expression, pouvoir militantiste. On est arrivé avec le digital et les plateformes à faire tomber certains gouvernements, à faire tomber certains régimes totalitaires. Et on peut aujourd'hui s'exprimer en tant que citoyen ou parfois s'exprimer contre certaines marques qu'on trouve abusives ou qui manquent d'éthique. Et donc ça change pas mal la donne. Alors, le nombre de gens online, la caisse de résonance des milieux et des réseaux sociaux est importante. Alors ce qui change beaucoup au niveau du marketing, c'est que si vous relisez Kotler, on vous apprend qu'il faut apprendre à bien connaître le produit et essayer de trouver chaque fois un message unique qui va valoriser ce produit, va le rendre intéressant pour la cible que vous voulez toucher. Et donc le marketing a toujours été un petit peu plus focalisé sur quelle est l'histoire qu'on veut raconter autour du produit ou autour d'une marque, et c'est ce qu'on va raconter dans un espace publicitaire qu'on va acheter. Et ça, ça va devoir passionner les gens, et donc on va les brainwasher, ils vont acheter notre produit. Je caricature un tout petit peu, mais ça c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent. Aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est pas uniquement l'histoire que nous racontons par rapport à notre produit c'est surtout l'histoire que les gens ont envie de raconter, ou qu'est-ce qu'ils ont envie d'entendre plutôt. Et ils ont envie qu'on parle un peu plus d'eux, de leur vie, et qu'on ait un peu plus de sens, qu'on fasse un peu plus de sens dans leur vie. Alors, même les news, marketing a changé, même les news ont changé. L'institution de la BBC, de la très sérieuse BBC, qui, il y a 3 ans, je crois maintenant, s'est installée sur Instagram et créé des news en format très court. Sans le son, ça va être très très important. Format court, 10 secondes d'info. La BBC qui fait ça, c'était assez impactant. Et ce qui est surtout intéressant, vous avez certainement vu ça dans un cours de marketing, la courbe d'adoption d'un produit, le life cycle d'un produit, qui est en général, c'est toujours la même courbe. Quand vous lancez un produit, ben les premiers acheteurs sont les gens qui sont qualifiés d'innovateurs, ceux qui veulent absolument avoir le produit, qui sont prêts à payer des fortunes, mais parce que ça les valorise, c'est en recherche d'identité. C'est ceux qui font, qui passent la nuit, deux nuits devant l'Apple Store pour être les premiers à avoir l'iPhone 7 pour dire « ouais, je l'ai eu », et qui sont prêts à payer plein pot. Et puis, bon, ben, on va toucher les early adopters, et donc le produit va être de plus en plus diffusé et distribué. On va arriver sur une majorité d'acheteurs, late majority, donc ben là on a fait le plein, et puis on va commencer à être, le produit va être en déclin, soit parce qu'il y a un nouveau produit qui va arriver, qui est la version 2, soit parce que le produit n'est plus du tout à la mode et il est remplacé par un concurrent. Et donc qu'est-ce qu'on fait là? Donc, exemple, vous achetiez à l'époque, vous étiez les premiers à avoir la PlayStation 1, vous payez un prix incroyable, la PlayStation 1 a une pénétration pas uniquement chez les gamers mais également dans les foyers, un peu tous les foyers, et puis on commence à diminuer le prix, c'est comme la PlayStation commence à être vendue pas uniquement dans les Fnac mais aussi au Carrefour, etc., avec des prix battant toute concurrence. Soit on fait du dumping prix, soit on rajoute la deuxième, la troisième manette, 14 jeux avec, et c'est comme ça qu'on permet encore d'attirer de plus en plus de clients, et on fait le plein. Mais on lance en même temps la PlayStation 2, qui, elle, pour les innovateurs et les early adopters, c'est très intéressante, avec un prix beaucoup plus haut. Et donc, la PlayStation 1 est en fin de vie, et la PlayStation 2 commence à monter, et va suivre à peu près le même cycle de vie. Ouais. Avec des influences sur le type de communication, c'est pas de la promo pour les nouveaux produits qui arrivent, c'est plutôt valorisation, explication des nouvelles fonctionnalités. Au niveau de la distribution, on essaye de la rendre exclusive. Souvenez-vous, la dernière PlayStation, elle n'était pas disponible pendant plusieurs mois en magasin. Il fallait la commander en ligne, il fallait pouvoir presque même être invité pour pouvoir la voir. Et donc tout ça sont des stratégies de marketing et de distribution assez importantes. Ce qui se passe aujourd'hui, alors même si cette courbe elle est encore vérifiée dans pas mal de cas, grâce au digital, aux nouvelles technologies, on se rend compte également que on n'est plus sur un dos de dromadaire, on arrive sur un aileron de dauphin, ou plutôt chat. Regarde, okay. Merci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le temps d'adoption des produits est de plus en plus court. Et que le succès d'un produit, mais alors ça peut même être une voiture, je travaille notamment pour Skoda, je travaille pas mal pour D-Train. On se rend compte également que le lancement d'une voiture se fait de manière beaucoup plus ramassée qu'il y a 10 ans. Avant, un lancement et le changement aussi des voitures prenaient beaucoup plus de temps. Maintenant, quasi tous les 2 ans, vous avez un facelift et vous avez une nouvelle version. Et il faut pouvoir entretenir ça. L'exemple extrême, c'est Samsung et Apple. L'iPhone, vous avez un nouvel iPhone à peu près tous les, même moins que tous les 12 mois. Et est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que l'iPhone 7 est vraiment tellement à ce point différent de l'iPhone 6S? Non. Mais de nouveau, on profite de cette tendance-là et de faire en sorte que beaucoup de gens vont l'acheter. Et puis après, les ventes chutent et on va relancer des courbes et on va relancer plus souvent des produits. Donc on vit un petit peu dans cette ère de la consommation et d'immédiateté de la consommation. Alors le digital a amené aussi des nouvelles technologies au service d'entreprises qui ont fondamentalement changé le business model d'entreprises qui fonctionnaient de la même manière depuis 50 ans, 100 ans. Alors on va passer un peu ça en revue. Uber, Facebook, Alibaba, Airbnb, ce sont des phénomènes, mais qui sont en train de se répéter à tous les niveaux. Et je vais un peu m'attarder là-dessus. Donc Netflix, je sais pas, vous connaissez l'origine de Netflix? C'était un distributeur de DVD par la Poste. Il y avait l'équivalent en Belgique qui s'appelait DVD Poste à l'époque. Donc plutôt que d'aller au VHS Store ou au DVD Store du coin louer un film et puis vous aviez en plus une amende quand vous le rameniez deux jours plus tard, là c'était un système assez simple. C'est que vous enregistriez online, vous mettez votre adresse de domicile, vous faites la liste des 10 films que vous voulez commander, le premier arrive chez vous par la poste, vous le regardez, vous prenez 2 jours, 3 jours, 4 jours, puis vous le remettez dans une boîte, dans une boîte spéciale Netflix, dans une boîte aux lettres, et dès que Netflix réceptionne votre DVD, il vous envoie le deuxième qui est sur la liste. Et ils ont fait leur succès commercial comme ça pendant pas mal d'années, et puis le DVD a commencé à disparaître, on a commencé à voir les Apple Store et... les Hulu, etc., et eux sont reconvertis. Et ils se sont dit, on va venir d'abord avec une plateforme de diffusion de films payants, mais là, ils ne sont plus du tout dans ce business-là. Ce sont devenus non seulement une plateforme de distribution, ce sont également des producteurs de contenu et d'exclusivité. Alors, juste, ce qui est assez affolant, c'est que c'est le plus gros... la plus grande maison productrice de films qui n'a aucun cinéma, qui détient aucun cinéma. Quand on voit la croissance, ils sont passés de 6,3 millions en 2006 de chiffre d'affaires à quasi 100 millions aujourd'hui, avec une grosse progression au niveau du reste du monde. Ils sont presque 50% aux États-Unis, mais c'est quand même assez incroyable. Et puis quand vous voyez les chiffres des séries les plus populaires, Stranger Things, 21 millions de vues, en tout cas de spectateurs, c'est pas de vues, 12 millions pour Luke Cage, etc. Donc c'est assez affolant. Et ce qui est de plus en plus perturbant, pas par rapport à ce success story-là, c'est que ces boîtes qui sont focalisées sur une réflexion digitale, sur une courbe d'adoption, changer les règles et les modèles business, sont en train de faire beaucoup de mal, sans le vouloir, aux industries qui, elles, stagnent et restent à peu près dans le même métier. Netflix est, je pense, une grosse menace pour les complexes comme UGC ou Kinépolis, parce que Kinépolis, UGC, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous donnent juste un chouette endroit avec un grand écran, un bon son, mais ils ne produisent rien. Donc, à un certain moment, pas simplement le fait de décider de rester à la maison dans son sofa au chaud plutôt que d'aller au cinéma, c'est que même si je décide d'aller au cinéma, je ne vais pas avoir le même type de contenu puisque ce sont des productions exclusives à Netflix ou des productions exclusives à Hulu. Et donc la part de l'entertainment, puisque c'est comme une part de... on parle en boisson, on parle de share of stomach, on va parler de share of entertainment. Il y a un certain nombre d'heures que vous pouvez passer par mois pour regarder des films, des séries, ou aller au cinéma. Mais à un certain moment, si vous travaillez, ou si vous allez au cours, peut-être un peu plus si vous travaillez, vous allez devoir limiter. Vous n'allez pas pouvoir passer 24 heures sur 24 à regarder des trucs. Donc vous allez devoir faire des choix entre je vais au cinéma, ou je privilégie de regarder un film exclusif sur Netflix. Et de plus en plus, et vu la qualité également de ce qui sort, et le bouche à oreille qui est fait sur les réseaux sociaux, entretenu également par Netflix, va de plus en plus vous pousser à capter les trucs sur Netflix, et pas simplement chez vous, mais on the go, plutôt que de continuer à aller au cinéma. Donc l'avenir du cinéma est un peu remis en question. Airbnb, vous connaissez, c'est aujourd'hui la plateforme de accommodation en anglais, la plus importante, mais qui ne possède pas un seul bâtiment, pas un seul hôtel. Alors, ce qui est aussi effrayant, quand on voit cette courbe d'adoption et cette culture digitale qui a fait qu'on accélère tout, c'est aussi le business case et le fait que ces boîtes gagnent beaucoup d'argent. Il a fallu 95 ans pour le groupe Hilton pour avoir quasi 700 000 chambres dans le monde, dans 92 pays, et avoir un chiffre d'affaires de 24 milliards. Aujourd'hui, en 6 ans, Airbnb fait 13 milliards de chiffre d'affaires, est présent dans 192 pays, et il y a 1 million de chambres disponibles. Et c'est ça qui est un petit peu effrayant, en se disant, comment est-ce qu'on fait et comment est-ce que les choses vont encore évoluer et quel va être le prochain Airbnb qui va dépasser Airbnb. Uber, vous connaissez, c'est évidemment la compagnie taxi la plus importante sans posséder un seul taxi. Alibaba, peut-être un peu moins connu dans nos contrées, mais c'est quand même aujourd'hui, et qui est au-dessus d'Amazon, le plus grand shopping mall au monde. Avec une diversification importante. Il participe également dans des assurances. Il y a un lien entre Alibaba et AXA Assurance. Et tout ça sans inventaire. Facebook, 1,8 milliard d'utilisateurs actifs tous les mois, sans créer le moindre contenu. Alors vous savez que tous les médias vont très mal. La presse quotidienne se casse la gueule, les magazines ne se vendent plus parce que la jeune génération s'en fout d'avoir du papier et sur tablette, c'est pas encore tout à fait ça. Mais tous ces gens, je sais pas si vous avez déjà vu le journal du week-end, vous avez un truc comme ça avec un super magazine qualitatif à l'intérieur, enfin des tonnes de journalistes qui sont donnés énormément de mal pour vendre un journal à 2,50€ ou à 3,50€, alors que Facebook ne fait absolument rien, à part créer un algorithme, avoir des serveurs et inventer des trucs et astuces pour pouvoir targeter. Il y a zéro production de contenu. Mais il gagne un pognon de dingue par rapport à tous les éditeurs de contenu. Donc, on pourrait dire une forme d'injustice, peut-être, mais c'est comme ça que la société évolue et c'est comme ça qu'on doit commencer à réfléchir en termes de quelles sont les solutions digitales qui vont permettre à mon business d'évoluer différemment et de retrouver une courbe de profit. Le chiffre d'affaires et les bénéfices sont un petit peu en diminution, mais les chiffres d'affaires aussi. Mais ça va pas trop mal. Alors les banques. Là aussi, grosse question par rapport aux banques. Quel est l'avenir d'une banque qui aujourd'hui est de plus en plus en ligne et de moins en moins dans les quartiers, tant plus que le nombre de fois où vous allez voir votre banquier, c'est essentiellement pour aller chercher votre carte plastique ou signer un document ou contracter un emprunt pour acheter un appartement. Mais en général, ça devient assez rare. Crowdfunding, comme les Kickstarter cartonnent, qui génèrent entre 20 et 28 millions de dollars par an en termes de projets qui sont sponsorisés. C'est assez énorme. On peut aussi se poser la question du rôle de Apple Pay ou de Google Pay. Imaginez demain que Apple vous donne la possibilité de transférer votre compte et l'argent de votre compte sur le compte iTunes et de gérer en fait tous vos achats à travers Apple Pay avec les services qu'on connaît d'Apple, hyper personnalisés, plutôt chouettes, avec quelqu'un qui, vous avez tous été dans un Apple Store, je suppose, la manière dont on vous accueille, avec une expérience consommateur qui fait vraiment la différence par rapport à mon banquier chez qui je suis depuis plus de 25 ans et qui m'appelle uniquement quand il a des trucs à me vendre. Et donc, c'est un petit peu ça que votre génération, mais ma génération également, on commence à en avoir un peu marre de cette domination, cette suprématie de ces marketeurs, annonceurs qui ont installé un business et qui ont installé un système. Et où finalement, le consommateur, il subit un peu plus. Et bien justement, quand je disais en introduction, le pouvoir est à nouveau dans les mains du consommateur, c'est pas uniquement dans la manière de pouvoir s'exprimer sur les réseaux sociaux, c'est également la manière de faire des choix, et le choix de services digitaux qui lui apportent un plus. Vous prenez Uber, mais les gars sont super sympas, ils ont toujours le sourire, les voitures ne puent pas, et comparé au taxi vert, c'est quand même un monde de différence, vous payez 40 à 50% moins cher. Pourquoi est-ce que je vais continuer à aller chercher mon taxi vert ? La même chose avec la plupart des annonceurs qu'on a vu. Alors, ceci dit, et je voudrais aussi, on évolue donc dans un monde de plus en plus digital, les grosses sociétés qui aujourd'hui font le plus de pognon sont dans l'ère du digital. Si j'ai un conseil à vous donner, demain vous cherchez un emploi, plutôt que vous réfugiez dans un groupe de presse qui est en train de couler, essayez de pousser la porte des annonceurs qui sont dans la technologie, c'est surtout là que vous allez avoir un métier pérenne. Ça, c'est le ranking, le top 20 des sociétés les plus valorisées ou des marques les plus valorisées aujourd'hui dans le monde. Et ben, on remarque que sur les 20, il y en a plus de 10 qui sont dans le domaine de la technologie. Apple a une valeur de marque. Je ne vais pas vous faire l'équation, mais revenu de la marque, c'est 233 milliards, avec un revenu publicitaire de 1,8 milliard. Google, 68 milliards en revenu de marque, 3 milliards en revenu publicitaire, Microsoft en troisième lieu. Et puis, on a Coca-Cola, qui est quand même le produit qu'on trouve mais à peu près partout dans le monde, qui n'arrive qu'avec Brand Revenue, 21 milliards par rapport aux 233 milliards d'Apple. Ça vous donne quand même un petit différentiel. Et puis on va retrouver McDonald's, General Electric, et puis nouveau un Samsung, un Amazon, un Cisco, Oracle, Intel, etc. Et puis Nike, 18e place, Louis Vuitton, le groupe seulement 19e. Ça c'est quand même assez intéressant. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour avoir, quel est le temps qu'il faut pour avoir à peu près 1 milliard en value de société. Prada, ça lui a pris 98 ans, Harley Davidson 86 ans, Nike 24 ans, PayPal 8, Evernote 6, Twitter 3, Instacart que je ne connais pas, qui est sûrement un truc aux États-Unis, 1 an. Donc l'accélération de Shark est vraiment là. L'ubérisation, on pourrait se demander est-ce que c'est un fait où toutes les sociétés vont avoir tendance à être ubérisées. Je ne suis pas sûr, mais en tout cas étudier ce modèle-là, se demander comment grâce à des outils digitaux ou le côté participatif on arrive à améliorer la qualité du produit, la rentabilité et aussi la satisfaction du client, je pense que ça c'est vraiment très important. Alors, je voulais partager ceci avec vous. On parle beaucoup d'ubérisation, mais on peut aussi parler de teslaisation. On va d'abord parler de l'ubérisation. Donc, là, vous avez une situation de marché actuelle, les taxis, qui sont là, qui font leur popote depuis de la même manière, avec le même modèle, avec le même type de prix. Et puis, pouf, on a un Uber qui vient avec une nouvelle technologie qui challenge en fait le marché. Donc on est sur le même marché, mais ce marché devient complètement transformé parce qu'il y a une innovation technologique qui fait que on crée de la demande et on crée de la satisfaction. Donc l'ubérisation, ce sont les sociétés qui vont investir toutes leurs ressources, et donc on parle là des taxis verts, pour maintenir une sorte de monopole. Et donc, elles ne se sont pas remises en question, et puis il y a un nouvel acteur qui arrive, qui va venir avec des nouvelles technologies, nouvelles plateformes, et qui va challenger ça. Airbnb versus les hôtels, BlaBlaCar, etc., etc. Alors la Teslaisation, c'est un petit peu différent. Là, c'est quelqu'un qui a une spécialisation dans un autre marché, qui est hyper à la pointe, qui maîtrise une technologie spécifique, et qui vient sur un marché qui vient écraser les autres parce qu'ils sont deux longueurs d'avance par rapport aux concurrents. Alors Tesla, qui avait déjà une légitimité au niveau des voitures électriques, est arrivé sur d'autres marchés sur lesquels il n'était pas, notamment le marché de l'énergie, a commencé à concurrencer des acteurs qui installent notamment des photovoltaïques, mais de l'éolien de manière privée. Vous savez, aujourd'hui, ça coûte plus très très cher d'installer une éolienne dans son jardin. Mais le problème, c'est le stockage de l'électricité. Et là, ils sont venus avec une technologie avec 10 ans d'avance. Vous pouvez acheter des batteries Tesla, vous mettez même, qui sont super design, vous mettez dans votre salon et qui stockent l'électricité qui est produite par votre éolien ou votre photovoltaïque. Et en fait, personne, aucun des providers d'électricité n'a vu le truc venir. Mais Tesla, fort de son expertise électrique au niveau de la voiture, est venu chambouler un marché qui vivotait un petit peu. Donc ça, c'est la Teslaisation. C'est pas inventer une nouvelle technologie qui perturbe le marché, c'est l'ubérisation. C'est sortir, avoir un spécialiste dans un marché qui vient avec son aura écraser les concurrents sur un marché dans lequel il n'était pas auparavant. Alors dans tout ce que je vous raconte, il y a quand même un point commun entre les... Alors je n'ai pas parlé de Spotify, mais c'est aussi la révolution. Même si le vinyle est en train de remonter, ça va être la grande tendance 2017, c'est le retour du vinyle dans les bacs. C'est l'effet un peu nostalgique et il y a toujours un contre-effet par rapport à l'hyper-digitalisation et les grandes tendances. Il y a toujours une contre-tendance qui arrive. Ça ne me dérange pas, c'est tout sympa, le vinyle. Mais le fil rouge entre les Netflix, Spotify, Alibaba, Amazon, etc., c'est quand même le fait que toutes ces sociétés soient très focalisées sur le customer experience. Il n'y a pas un exemple, je pense, où vous vous dites oh, qu'est-ce que j'étais déçu par l'expérience que j'ai eue avec telle plateforme. Ce sont des plateformes qui, bon, en général, font en sorte que tout soit simple, même quand vous avez un problème. Le problème va être résolu dans les meilleurs temps. Et donc, cette culture de la satisfaction et de l'expérience du consommateur, elle domine un peu partout. Alors, par rapport à ça, il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas encore rentrées dans cette mouvance et cet état d'esprit-là, et cette culture, et qui vont tendre à le devenir, mais ça prend du temps. Prenez un D-Train, par exemple, qui est un distributeur auto, soit VW, Audi, Seat, Skoda. Qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils ont encore des concessions, ils ne vendent pas des voitures en ligne. L'expérience consommateur, elle est essentiellement à travers un site web. Vous pouvez utiliser votre carte configurateur, et puis vous allez chez un concessionnaire pour signer votre contrat. Donc on est resté sur un modèle ancestral, à part que les sites ont un peu évolué, mais il n'y a pas de vraie révolution. Toutes ces sociétés-là sont en train de se remettre en question. Est-ce que demain, la vraie valeur ajoutée d'un D-Train, c'est de continuer à vendre simplement des voitures, ou c'est de fournir des services et des solutions de mobilité autour de la vente de voitures, puisque la mobilité devient un vrai problème? Est-ce que demain, la possession, l'achat d'une voiture, va être pour la jeune génération un truc essentiel? Ou est-ce qu'on va devoir rentrer dans un business de mise à disposition, de location, avec un abonnement à la Spotify ou à la Netflix? Et où, en fonction de mes besoins, je vais devoir me déplacer dans le centre-ville, donc il vaut mieux avoir une toute petite voiture. Par contre, je pars au ski avec mes potes, et donc là, j'ai plutôt besoin d'un 4x4 Q7 pour pouvoir mettre tout le monde dedans. Et je pars cet été avec ma copine dans le sud de la France, je voudrais bien avoir un cabrio. Et tout ça, pour le même type d'abonnement, je vais pouvoir faire évoluer les choses. je brainstorm, c'est pas encore dans les bacs chez Litren, mais ça fait partie d'une évolution logique, puisque pourquoi est-ce que la société qui me vend ma voiture ne peut pas essayer de comprendre l'évolution de mon life cycle pendant l'année et de répondre au mieux à mes besoins? Je trouverais ça normal, je suis prêt à payer pour ça. Et pourquoi ça n'existe pas? C'est pas très complexe. Il suffit de bousculer le business model actuel. Alors, dans cette transformation digitale, il y a des sociétés qui ont une longueur d'avance, il y en a qui sont vraiment très en retard. Ça, c'est une manière de quadriller les types de sociétés. Donc, on va voir les digérati, ce sont celles qui sont le plus en avance au niveau de l'évolution digitale. Il y a une intensité digitale, ça veut dire qu'il y a beaucoup de développement digital. Et il y a une transformation du management au niveau de la pensée digitale qui est en train de se faire. Donc une bonne gouvernance, beaucoup d'initiatives digitales qui génèrent du business et de la valeur également. Et une grosse culture donc, digitale dans l'entreprise. Les fashionistas sont un peu moins au niveau du management, mais ils développent déjà des choses. Beaucoup de digital feeders, ils sont dans le social, ils ont déjà une application mobile, mais qui travaillent un peu en silo, qui n'est pas encore très bien organisé. La coordination qui devrait être améliorée entre les différents départements. Il y a une culture digitale qui existe, mais imperfectible. On a les beginners. Là, le management est un peu sceptique sur le besoin de jumper dans le digital et changer le business model. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ça, on gagne de l'argent. Pourquoi est-ce qu'on va devoir se remettre en question? On peut peut-être éventuellement expérimenter certaines petites choses, mais on ne va pas trop investir, hein, ça coûte cher. Et donc, il n'y a pas du tout de culture digitale. Et puis, là sont les conservateurs. Ils sont conscients que le digital est important, mais on fait finalement peu de choses. Alors, ce qui est intéressant, plus on va monter, plus on va être vers des sociétés qui sont très focalisés sur l'expérience consommateur et apporter une solution pour les consommateurs. Ceux-là sont ceux qui s'accrochent à leur marché à tout prix et qui se disent on gagne suffisamment d'argent et on va continuer à gagner du pognon de la même manière qu'avant. C'est les éditeurs de presse qui disent que le papier, ça va encore durer pendant 20 ans. Je suis pas sûr qu'ils vont encore vivre très longtemps. Ceux-là évoluent un peu, mais ils vont rapidement mourir s'ils n'évoluent pas. Ceux-là sont forts aujourd'hui, ils sont adaptés, mais ils ne prévoient pas suffisamment le futur, et ceux-là sont vraiment parfaits. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette étude, elle permet de mettre en avant des sociétés et des secteurs. Alors, on va voir qu'au niveau des digérati, ben, évidemment, toutes les télécoms, tout le secteur du high-tech, le retail également, qui est en train de se remettre en question, avec notamment la poussée d'Amazon, savoir que on parle d'Amazon et on pense toujours à des bouquins, du matériel high-tech, etc. C'est pas encore chez nous, mais Amazon Fresh aux États-Unis livre vos bouteilles d'eau, votre papier chiotte à la maison et de la bouffe. Ça commence à faire un peu trembler les carrefours de ce monde et les Deleuze. D'autant plus, et je vous fais une anecdote, Mercedes au niveau mondial a élaboré un deal avec Amazon où, dans certaines bagnoles et avec une certaine application, vous n'allez plus devoir être au bureau ou chez vous pour réceptionner un colis Amazon. Le livreur aura un pass qui permettra d'ouvrir le coffre de votre voiture et de déposer le colis Amazon dans le coffre de votre voiture. Et donc là, on commence à avoir des synergies entre des sociétés qui sont dans cette culture digérati ou fashionistas et qui disent, mais comment est-ce qu'on va faire de la valeur pour le consommateur et lui faciliter la vie et son expérience. Ouais. Et Amazon, je reviens sur Carrefour, quel avantage évidemment, parce que je vais commander mon six-pack ou mes 12 bouteilles d'eau ou mes 3, je parle de bouteilles d'eau, mais plutôt 3 casiers de bière et que je dois ramener de chez Deleuze ou Colruyt, ou est-ce que je demande à Amazon de me livrer directement dans mon coffre? Alors, même si vous allez payer 1, 2 ou 3% plus cher Amazon pour ce type de livraison, il y a pas mal de gens qui vont choisir la facilité et passer par ce genre de système. Et donc, de nouveau, leur IT, c'est pour ça qu'ils se retrouvent là, et les banques sont en train de se dire quel va être notre avenir. Comment est-ce qu'on se réinvente ? Les entreprises pharmaceutiques sont ici parce qu'elles sont cadenassées par la législation. Elles pourraient faire plein de choses, mais elles ne peuvent pas utiliser les données du consommateur. Donc, logiquement, jamais vous n'allez pouvoir recevoir un email personnalisé qui vous dit « Merci d'avoir acheté tel médicament et on vous propose un programme santé, un truc... » Alors, je ne parle pas des médicaments, ce qu'on appelle « over-the-counter OTC » qui sont en vente libre. Vous achetez un supplément de vitamine, ce n'est pas, évidemment pas la même chose, mais toute la grosse industrie pharmaceutique ne peut, même si elles savent pas mal de choses sur vous, elles ne peuvent pas les exploiter, donc au niveau digital, on est un peu coincé. Les assurances sont aujourd'hui encore très dans un métier conservateur. En même temps, il y a une initiative prise par Google, je crois, il y a 6 mois, aux États-Unis, qui a lancé un site qui permettait notamment de voir si on avait la bonne police d'assurance, que ce soit assurance incendie, assurance auto. Et donc, ils demandaient aux gens de déclarer quelle était la marque de leur assureur, quel était le prix qu'ils payaient en termes de police d'assurance. Et eux faisaient en fait un sondage énorme au niveau national pour dire, vous payez plus que la moyenne, vous payez moins que la moyenne. Ça permet à Google de faire quoi ? De récolter toutes les datas pour éventuellement lancer un service d'assurance personnalisé, puisque tous les gens qui auront répondu ont fait un peu des look-alike et un peu extrapolé, mais en sachant exactement ce que vous payez comme police d'assurance et proposer une alternative, bon, peut-être en coordination avec un assureur. Mais ça, c'est donc le genre de menace que les assureurs voient également venir. Alors, cette étude, mais ça, vous ne pouvez pas le retenir, prouve que au niveau de la possibilité de générer du revenu supplémentaire, mais chez les boîtes les plus en vogue au niveau digital, ça augmente de 9%. On voit que c'est en recul pour celles qui sont en train de tenir leur marché. Et ce qui est surtout important, c'est au niveau de la profitabilité. Les plus digitales augmentent leur profitabilité de plus ou moins 26%, alors que celles qui restent ici diminuent de 24%. Et donc tout ça fait réfléchir sur les business models à mettre en place de manière importante. Alors, je vais vous parler un peu de la pub. Ça va, vous tenez le coup ? Je vous lâche un peu plus tôt, hein, je vous rassure, je ne sais pas, je peux vite. Alors, on a vu, il y a beaucoup de changements amenés par le digital, beaucoup de remises en question des business models d'entreprise, y compris les entreprises publicitaires, les boîtes de pub qui pensaient, et ça fait 21 ans que je travaille maintenant dans la pub, qui pensaient être un peu le nombril du monde parce qu'on invente des idées, ça permet de faire avancer le business et l'annonceur a besoin de nous. C'est plus tout à fait vrai. Et il y a 2 ans, j'étais à Cannes, il y a eu un séminaire sur l'avenir des agences de pub et quelqu'un a dit, un des patrons d'agence mondiale disait « This is our Kodak moment ». Si on n'arrive pas à se remettre en question maintenant, si on n'arrive pas à faire le pas vers le digital, on est amené à vraiment disparaître en tant qu'agence de pub traditionnelle. Et c'est l'objectif aujourd'hui du cours, en tout cas de cette deuxième partie de cours, c'est de vous expliquer quelle est l'évolution du métier d'agence de pub. D'abord, on est rentré dans une nouvelle ère du marketing, je l'ai déjà un petit peu souligné, mais les besoins ne sont plus les mêmes. On a des besoins... Au revoir. On a des besoins de plus en plus digitaux, ce ne sont plus les mêmes règles. Et les annonceurs font face à des nouvelles problématiques. Ils ont besoin de pas simplement de campagnes de pub qui sont belles et qui vont faire parler les gens en se disant « Ah oui, quel beau film, c'était chouette !» et juste nourrir la notoriété et faire une étude après 6 mois en disant « J'ai augmenté mon niveau de notoriété de marque de 10%, c'est fantastique, on est arrivé à une notoriété de 89 points, alors que mon concurrent direct est à 78, et yes, magnifique !» Aujourd'hui, ça ne suffit pas. C'est est-ce que la campagne qui a été lancée a permis de générer suffisamment de ventes? Est-ce qu'on a atteint nos objectifs? Le ROI, Return on Investment, c'est aujourd'hui le seul truc qui obsède le marketeer, parce que sinon il saute. Et là aussi, je vous disais que tout s'accélère. En moyenne, il y a une dizaine d'années, un marketeer restait en place pendant, on va dire, entre 5 et 10 ans dans une boîte, même parfois 15, 20, pour les plus anciens. Aujourd'hui, il y a une rotation c'est tous les 2-3 ans, un directeur marketing change d'entreprise, saute pour l'une ou l'autre raison. Donc c'est difficile d'établir une stratégie sur le long terme qui est basée sur la notoriété et on va monter en puissance, il faut des résultats tout de suite. Et la relation agence-annonceur aussi a changé. Il y a 20 ans, on était sur une moyenne de 15 ans de collaboration entre un annonceur et une même agence. Aujourd'hui, on est en moyenne, en Europe, à 3 ans de collaboration entre un annonceur et une agence. Alors, pourquoi ces changements? Parce qu'on est dans la culture de l'immédiateté, parce qu'on est dans la culture du changement quand ça ne va pas, y compris, je pense, au niveau des couples, d'où le succès de Tinder. Mais, non plus sérieusement, je ne suis pas en train de dire que c'est mal, il faut vivre avec, mais comment est-ce qu'on peut répondre à ça? Alors, dans l'évolution de la pub, hier, il fallait raconter une histoire, on est des storytellers, à des gens qui étaient passifs devant un média, que ce soit la télévision, que ce soit la radio, que ce soit devant une affiche, devant une annonce dans un magazine. Aujourd'hui, on doit continuer à raconter des histoires, mais sur différents touchpoints, pas les mêmes types d'histoires, pas simplement un concept avec un beau spot. On doit raconter des choses avec du vrai contenu qui va intéresser les gens. Et on doit le faire sur... plein d'écrans, plein de touchpoints différents, à des moments très différents, et pas toujours de la même manière. Donc, et ça, c'est la manière dont nous nous présentons chez G. Walter Thompson. On dit, nous ne sommes plus une boîte de pub. We are not an advertising agency, we are a solution company. La créativité, ça reste la base de notre métier, mais c'est plus de la créativité pour développer un message et une belle campagne avec une belle exécution. La créativité, elle est dans une créativité business, comprendre le problème du marketeer et essayer de mieux y répondre en tenant compte de tous les outils que nous avons à disposition et donc également des outils digitaux, mais parfois aussi inventer des nouvelles formules. Quand je vous parlais du deal entre Amazon et Mercedes, je ne sais pas qui a inventé ça, c'est peut-être pas quelqu'un chez Mercedes, c'est peut-être dans une réflexion avec l'agence où l'agence dit « mais essaye d'apporter de la valeur ajoutée » à l'expérience consommateur, et si on faisait un partenariat avec un tel, et tu t'offres ça. Et à la limite, ce service est payant, et donc tu as un revenu supplémentaire. Je pense que cette créativité business, elle est vraiment très importante, et je pense que demain, que vous soyez du côté annonceur ou du côté agence, vous allez pouvoir y participer également. Ça, c'est important, c'est que hier, les agences de pub, les concepts d'hier, cherchaient essentiellement à créer de l'impact. Il fallait que quand on lance une campagne, elle soit vue de manière massive et qu'elle soit, elle bombarde les gens. Vous vous souvenez peut-être pas, moi j'ai vécu des campagnes où on n'en pouvait plus de voir des spots d'âge à la télé. On était écœurés, mais on était brainwashés quasi tous les mois par des très grosses campagnes. C'était essentiellement du broadcast, c'est-à-dire on diffuse en masse à tout le monde, on balance. Et plus on balance, mieux c'est. C'était le kilo compresseur de GRP qui viennent brainwasher les gens. Le focus, c'était sur les médias payants. Et on essayait on faisait de la production digitale, parce qu'il fallait faire des banners. Mais on développe un concept et qu'on va donner après à des spécialistes. Je vais revenir là-dessus. Aujourd'hui, on cherche de l'influence, on ne cherche pas uniquement de l'impact. Influencer quelqu'un, c'est différent que de lui mettre un truc en pleine tronche et lui dire « mais j'en ai rien à foutre de ta pub, elle m'emmerde ». Il y a comment est-ce qu'on arrive à titiller, à susciter l'intérêt et à attirer la personne pour que cette personne s'intéresse à mon produit viennent s'informer sur mon produit et considèrent l'achat. C'est une technique très très différente. Alors ça part toujours d'un storytelling, mais un storytelling qui est un peu nuancé. On va continuer à faire de la pub, mais à côté de la pub, quand la pub est terminée, en plan média c'est terminé, comment est-ce que je continue à influencer les gens? Donc on doit intégrer aussi des spécialistes, et pas simplement des publicitaires ou des créatifs. Comme le métier du marketing et de la com sont devenus de plus en plus compliqués, avec plein de touchpoints différents, c'est impossible de demander à un créatif ou un team créatif de pouvoir penser à tout. On ne peut pas leur demander de réfléchir à la stratégie CRM sociale, quel type de contenu vidéo on va développer, et fais-moi la campagne print et télé. Réfléchis bien au SEA et SEO. C'est impossible d'avoir une sorte d'homme orchestre qui fait tout. On a besoin aujourd'hui de s'entourer de différents types de spécialistes et d'interagir correctement avec ces spécialistes. Donc ce que je dis toujours, c'est que nous sommes nés, en tout cas moi, nous sommes toujours des storytellers. On est un peu de l'époque, je ne suis pas né dans ces années-là, je vous rassure, mais on est un peu de l'époque de Mad Men. Et on aime bien raconter des belles histoires et emballer le truc et épater un peu la galerie avec une belle exécution. Mais aujourd'hui, ce qui compte, c'est de pouvoir créer du contenu digital qui va faire du bouche à oreille, qui va influencer les gens. Et même, et c'est ce qu'on est en train de développer à l'agence, c'est pas ça qu'on est en train de développer à l'agence, je vous rassure, mais c'est de pouvoir développer des outils qui vont peut-être aider un annonceur. Exemple, quand je vous parle de cette nouvelle forme de créativité, et on est venu pour un de nos annonceurs qui s'appelle NN, les assurances NN. On est venu avec une idée proactive, c'est pas une idée de campagne, c'est juste une volonté d'améliorer l'expérience consommateur. Quand vous avez une maison et vous êtes assuré contre l'incendie, contre le vol, ce qui se passe toujours, c'est quand votre maison brûle ou quand vous êtes cambriolé, c'est toujours la croix et la bannière pour aller chercher les preuves de vos biens. Vous avez piqué votre écran télé, votre PlayStation, votre montre, votre truc. Vous devez aller chercher des factures, des preuves d'achat pour que vous fassiez rembourser le bazar. C'est dit, idée toute simple, business idea, développons une application où chaque fois que j'achète quelque chose chez MediaMarkt ou ailleurs, je fais une photo de l'écran télé, je fais une photo du ticket de caisse ou de la facture, c'est stocké dans le cloud. Demain, on me cambriole ou ma maison brûle à moitié. Je n'ai qu'à sélectionner ce qui a disparu, c'est envoyé au courtier d'assurance et c'est automatisé. C'est tout con et il n'y a pas eu de campagne de pub à côté de ça. Ça, ça a de la vraie valeur business parce que ça fait une vraie différence pour l'annonceur qui peut dire à ses clients, si vous venez chez nous, on va vous faciliter la vie parce qu'on a une application qui vaut vraiment la peine. Et donc ce que je veux dire, c'est que l'évolution aussi de notre métier n'est plus dans de la créativité pour prendre la parole d'une manière intéressante, rigolote, etc. C'est de la créativité qui fait avancer le schmilblick au niveau marketing. Alors, excusez-moi. Oui. Et du coup, en fait, ça serait relié au compte fidélité et assurance de MediaMarkt avec la carte d'identité ou pas du tout? C'est pas poussé jusque-là. Mais à un certain moment, on pourrait se dire que oui, mais c'est très très complexe, hein, parce que ça veut dire qu'il faut s'associer avec tous les systèmes informatiques des différents vendeurs. Si c'est la croix et la bannière, il y a des questions de sécurité, ça va être vraiment très complexe. Et comment alors est-ce qu'on peut prouver que vous l'avez bien acheté chez MediaMarkt et que ce n'est pas un produit que vous avez vu en magasin et que vous ne l'avez pas acheté? Parce qu'il faut faire une photo en intérieur, chez soi. Donc il faut in situ, c'est pas je vais chez MediaMarkt et je fais des photos de 14 GSM et de... Non, c'est dans mon chez moi avec une photo géolocalisée, ben, je fais une photo de mon écran. Et du coup, ça serait la géolocalisation qui serait une preuve de... Oui. Ok. Oui. Alors j'ai acheté une Porsche 911 et j'ai... open source, très important. Oui. Oui, la question sécuritaire, évidemment, mais alors ça veut dire qu'on ne fait plus aucune application, parce que dès qu'on peut aller peut rentrer sur, dans n'importe quelle appli qui a un cloud, on va récupérer toutes vos données, mais c'est comme je peux récupérer les données de vos achats sur iTunes et récupérer les numéros de votre numéro de compte en banque et le numéro de la carte de crédit. Donc. Et puis, on fait pas une publicité incroyable de cette appli, c'est un truc très personnel, sécurisé, vous n'êtes que les seuls à pouvoir y avoir accès à travers un code et un identifiant. Mais évidemment, tout peut être craqué. Aujourd'hui, si on remet en question le digital parce qu'il y a la menace de piratage, tout peut être piraté, y compris le compte Twitter de Trump, hein, qui est certainement aujourd'hui l'homme le plus protégé de la Terre. C'est quand même un Belge qui est arrivé à aller... Donc, c'est un débat sans fin, ça. Est-ce que c'est pas trop dangereux? Bref. Ouais. Je parlais donc de la culture digitale dans laquelle on vit. Aujourd'hui, un truc qui est pour moi très important, c'est d'avoir un état d'esprit très ouvert. Le open source, vous voyez ce que c'est? Donc, c'est né parmi la communauté des codeurs, où plutôt que de développer une ligne de code, la garder pour soi et essayer de l'améliorer tous les jours, il y a des gens qui se sont dit, on va commencer à partager avec une communauté d'autres codeurs dans le monde entier, qui vont reprendre mes lignes de code et qui vont tenter de les améliorer. Et en partageant, et en faisant en sorte que chaque personne puisse y apporter son grain de sel et améliorer quelque chose, ça va faire en sorte que le soft ou l'application qu'on a développée sera encore plus performante et va bénéficier à tout le monde. C'est exactement la même chose dans mon métier de publicitaire. Et que aujourd'hui, je suis un généraliste de la com, je comprends pas mal de choses dans le digital, mais je ne suis pas le spécialiste en SEA, je ne suis pas le spécialiste en CRM, je ne suis pas le spécialiste en community management, je sais à peu près comment ça tout fonctionne, mais on a besoin de vraies personnes qui connaissent les virgules de l'algorithme de Facebook et qui peuvent dire attention, ne mets jamais une image avec plus de 30% de texte par Facebook, sinon elle ne va pas être prise en compte. Il y a plein de règles comme ça qui sont super importantes et que moi je ne peux pas maîtriser. Et donc, on s'est dit, en travaillant avec des spécialistes, on reçoit un briefing. Et en fonction de la nature du briefing, on va mettre autour de la table des gens qui développent du concept chez nous, qui développent du contenu chez nous, éventuellement des gens en RP, des gens spécialisés en activation digitale, des gens spécialisés en social ou en community management, des gens spécialisés en CRM. Ce qui est intéressant, c'est en mettant autour de la table ces profils et en réfléchissant aux problèmes marketing, on commence à avoir des nouvelles solutions qui apparaissent, et pas uniquement des solutions qui sortent de la tête d'un créatif qui doit pondre un concept publicitaire. Ça, pour moi, c'est une vraie révolution. Je pense qu'il y a encore trop peu d'agences de pub qui continuent à fonctionner comme ça. On a un problème, voilà le briefing, on le donne à des créas, ils inventent une idée créative qui va se traduire dans de l'affichage, de la télé, de la radio ou un banner. Et puis après, on va décliner ça, j'aime beaucoup le mot décliner, on va décliner ça en display, en digital, en social, etc. Le mot décliné, ça veut dire qu'on perd de la valeur. Donc mieux, plus on commence tôt à mettre ensemble de manière open source le problème et y réfléchir ensemble, je pense que plus on a des campagnes efficaces et d'une nouvelle génération. Je voudrais vous les montrer, sans son, ça va être... Et donc ça veut dire qu'on développe un écosystème, on développe une idée, et puis chacun va développer son plan en tant que pro et spécialiste. Et ce qui nous permet en fait d'avoir aujourd'hui de la communication intégrée, qui nous permet de faire pas mal de choses. Alors, l'évolution de la créativité, c'est un dessin que j'adore, parce que ça symbolise exactement ce qu'est notre métier aujourd'hui. Oui, on doit continuer à faire de la pub pour informer, essayer d'attirer l'attention, avoir de l'impact, que ce soit dans la rue, dans l'affichage, dans la télé. Mais il va réellement influencer la vie du consommateur et son acte d'achat final. Ce n'est pas forcément ce qu'il a vu à la télé. Ça va être l'avis de quelqu'un qui est comme lui, un consommateur qui a testé et qui va dire « ça, je préfère quand même. J'ai une très mauvaise expérience avec cette boisson-là, mais ça, c'est vraiment très, très bon. C'est naturel. » Et donc, ce... word of mouth, ce bouche à oreille, qui peut être à la fois dans la vie réelle ou dans la vie sociale, enfin sur les réseaux sociaux, comment est-ce que nous, en tant que publicitaires ou en tant que marketeurs, on arrive également à influencer cette partie-là? Parce que pendant des années, en tant qu'agence de pub, on se limitait à faire de très très belles campagnes wallpaper avec une magnifique exécution pour avoir de l'impact et faire rigoler tout le monde. Mais ça, on espérait suffisamment influencer les gens avec nos campagnes, mais ça c'est fini. Aujourd'hui, on doit les influencer autrement, ça fait partie aussi de notre métier, mais ça demande des facultés, ça demande des choses, des outils différents. Donc, là je fais un point important, si les concepts auparavant se limitaient à ça, c'est-à-dire, on a un briefing. Le briefing ici, c'est le client Mercedes veut lancer, à l'époque, la nouvelle SLK. Et on veut dire qu'elle est magnifique. Il faut dire que cette voiture a un design incroyable. Okay. Bon, l'agence reçoit ça, on met ça dans un template briefing, on demande aux créatifs d'inventer une idée pour mettre en emphase ce message, la nouvelle SLK est magnifique. Et donc il réfléchit pendant des semaines à se dire comment est-ce que je vais trouver une idée, un concept incroyable pour dire qu'elle est magnifique. Ouais, trouver un truc super smart, un peu intellectuel, les traces de freinage de toutes les bagnoles qui sont passées à côté parce que ils ont tellement été surpris par sa beauté que... Mais on ne met pas de titre, hein, mais juste en tout petit avec le logo Mercedes comme ça. De New SLK. La pub, je ne vais pas dire la pub d'hier parce que ça existe encore aujourd'hui, mais ça c'était trouver un concept. Un message, déterminer donc un message, et puis trouver une idée créative qui va emballer ce message de la manière la plus surprenante, de la manière la plus créative possible. Idem ici, le briefing c'est la Polo, elle est petite mais elle est quand même très sécurisante parce qu'elle a 5 étoiles au NCAP, au test NCAP, etc. Et donc il faut dire qu'elle est bien, c'est une petite voiture mais où on sent en sécurité. Ah, comment est-ce que je vais dire ça? 3 semaines à réfléchir, ben, on va venir sur une exécution, comment elle filme les films de bandits aux États-Unis et les flics, plutôt que de se protéger derrière leur bagnole, se protègent derrière la Polo, c'est la plus sécurisante. Ce sera un tout petit peu intellectuel. Mais ça, c'est un concept. Concept pour dire Perrier rafraîchit plus que n'importe quelle autre boisson. Il fait tellement chaud que tout fond, y compris le soutien de très joli mannequin et tout le reste autour. Et donc, magnifique exécution. Et je trouve ça fantastique et l'idée est très chouette. Mais ça, c'était le métier d'avant. Un message, un espace qu'on nous donne, soit un espace magazine, soit du 2 mètres carrés à Brébus, soit 30 secondes d'expression, et je vais devoir trouver une manière très créative de m'exprimer dans cet espace pour dire ce message-là, et les gens vont retenir ce message. Je suis désolé, je ne sais pas si au fond vous allez entendre, mais... Il n'y a rien ? Message, quand vous avez un petit creux, pensez à Snickers, et puis on va, technique publicitaire d'exagération, avec une super exécution, ça a coûté bonbon, en plus il faut payer Mr. Bean, et puis c'est une très chouette campagne, et qui en plus est déclinée, qui est devenue une saga, mais ça fait partie pour moi de l'ancienne manière de faire des concepts, et qui continue aujourd'hui, je ne la critique pas, Mais aujourd'hui, développer des concepts en agence, c'est devenu plus que ça. Donc si avant, un concept, c'était une manière créative de dire un message dans un espace publicitaire qui est acheté par l'annonceur, et donc on était essentiellement sur du paid media, je suis annonceur, je paye, et je prends la parole, et je vais prendre la parole de la manière la plus inattendue, créative, surprenante, pour sortir du lot par rapport à tous les autres annonceurs. C'est encore vrai, mais aujourd'hui, la créativité, elle doit jongler avec trois éléments. Le paid, le owned et le earned. Et on doit essayer, alors on continue à faire de la pub, évidemment, traditionnelle, en achetant du média, mais qu'est-ce qu'on fait sur les touch points de nos annonceurs? Comment est-ce que je m'exprime? Quel est le type de contenu que je vais pouvoir générer qui va me permettre d'avoir du earned media? Le earned media, c'est ce que les gens vont eux-mêmes relayer comme information. C'est ce fameux word of mouth, ce bouche à oreille que vous avez vu sur le petit dessin. Est-ce que là au fond vous n'entendez pas le son ou bien où ça va? Je voudrais vous montrer un exemple de ce que je trouve vraiment extraordinaire en termes de nouvelle créativité pour diverses raisons, parce que ça jongle avec différents types de métiers. La campagne que vous allez voir, alors c'est un résumé d'une campagne, c'est pas une campagne qui est passée à la télé, ça explique le dispositif publicitaire qui a été mis en place par E.ON. E.ON, c'est l'équivalent de Engie Electrabel en Suède. Et le briefing, il est simple, c'est on va dire à nos clients et à nos prospects qu'on est là pour les aider à économiser de l'énergie, à finalement consommer moins d'énergie à la maison. Engie fait ce genre de campagne en disant achetez notre box pour pouvoir faire des économies d'énergie, ou d'autres annonceurs dans l'énergie disent venez chez nous, on a un tarif qui est plus compétitif. Ici, on n'est déjà pas sur de la promotion et du prix, on est sur une attitude de marque qui dit on tient compte de vous et on va vous éduquer petit à petit pour consommer moins. Deuxièmement, il y a eu une attitude participative de l'annonceur. C'est-à-dire qu'ils ont dit, donnez-nous tous les trucs et astuces que vous utilisez déjà aujourd'hui pour faire des économies d'énergie dans votre maison. Ces trucs et astuces, on va les mettre en dessin et on va en faire une campagne sociale. Et les meilleurs trucs et astuces, on va les sortir et on va en faire des abribus qui vont devenir la campagne publicitaire. Et on va prendre certains trucs et astuces et on va en faire des spots télé. Et puis, il y a du data marketing derrière, parce que, évidemment, comme Engie, ils connaissent votre consommation d'électricité. Et donc, vous pouviez avoir accès à un site avec du big data qui vous permettait de voir quelle était votre consommation d'énergie et vos économies d'énergie par rapport à vos voisins, par rapport à votre quartier, par rapport à votre ville, et de vous comparer et même de vous challenger. Donc, on rentre dans de la gamification. Et puis, il y a du mobile marketing. Ils ont mis en place des applications avec des jeux, notamment un Tamagotchi, qui me permettaient de m'aider et m'éduquer à gagner, dépenser moins d'énergie à la maison, diminuer mon chauffage, etc. Et donc finalement, tout ça, vous allez voir, c'est un écosystème qui ne se résume pas en une seule campagne, mais qui est beaucoup de dispositifs qui font appel à différents types de métiers, dans le traditionnel et dans le digital. If you could actually see how much electricity you use, would it change your behavior? We decided to find out. E.ON, one of Sweden's largest energy providers, created Sweden's largest energy saving experiment. We recruited 10,000 participants and gave them a special app connected to their homes that monitored their power usage in real time. Then, during the course of 1 year, we visualized their energy consumption in 5 different ways to see which one would make them save the most. We started off by showing their energy consumption as real money spent in real time. Next up was a virtual battle between participants. Later, a mean coach spurred you on to save more. And finally, Your consumption was linked to a cute Tamagotchi that died if you didn't save enough. Our participants were only the beginning. Around them, we built a larger campaign. We created a site where everyone could follow their progress. You could see who saved the most or least energy, compare different parts of the country, and even compare your own consumption to others with similar homes, and much more. As a key part of the campaign, we let everyone share their best energy saving tips, which we turned into a book, outdoor units, and even TV spots. News of the experiment spread throughout Sweden. And the result? Seeing how much energy you use will make you save a lot. By the time the experiment was over, 40% of the participants saved an average of 8.14% more energy, and 22% of the participants reached the goals they set up a year before, saving an average of 14.88% more energy. Imagine if the rest of the world would do the same as we did in Sweden. Voilà. Il y a une attitude de la marque qui est aussi très différente et qui ne parle pas que d'elle, qui est vraiment très altruiste. Mais vous avez vu, il y a de l'intelligence, il y a du big data, il y a ce site-là, ou ce site web où on peut se comparer, il y a l'application mobile. Ça, pour moi, c'est une nouvelle forme de créativité qui est beaucoup plus complexe à gérer et à inventer qu'une campagne où on dit tu as 2 mètres carrés, un 30 secondes et tu dois me dire ce message-là. Et je vois aussi que beaucoup d'agences digitales sont mieux préparées pour faire ce genre de choses-là que les agences de pub traditionnelles, parce que ça demande une ouverture d'esprit assez différente. Alors il y a d'autres... Est-ce que ça va pour le son ou pas du tout? Sinon je passe à un truc plus théorique et je montre ça la semaine prochaine. Tout de suite. Je suis vraiment désolé. Autre exemple... Il y en a qui restent, ça va? Autre exemple, Oreo. C'est un des premiers annonceurs qui a commencé à jongler avec une approche 365 jours par an. Vous savez qu'on parle souvent de 360 degrés en com. Je vais d'abord faire un petit aparté là-dessus. La différence entre 360 degrés et 365 jours, enfin, et 365 les stratégies, c'est une question d'examen de temps en temps. Le 360 degrés, c'est un truc d'agence, de com qui disent on va tout intégrer, on va réfléchir à votre concept et on va le décliner dans les différents types de métiers. Donc on va faire du offline, on va faire du online, on peut même décliner la photo qui était en spot télé. Et l'acteur, on va le mettre en point of sales, en affichage sur le lieu de vente. On va vous faire votre campagne sociale, etc. Mais ça, le 360 degrés, c'est une réalité d'intégration et d'uniformisation des différents points de contact avec le consommateur pendant la campagne. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'un annonceur, en fonction de son budget sur l'année, il va avoir... il va avoir 1, 2, 3 campagnes par an avec exactement le même système mais des sujets différents. Donc il va avoir 2, 3 balles. Ça c'est du 360. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on a occupé le terrain pendant 4 semaines en pub, on a fait 4 semaines de télé, 2 semaines de radio, 2 semaines d'affichage, du magazine, du social, etc. Qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de paid? Le paid, fini. Ben, ça, c'est la fin du 360, et c'est là que commence le 365. On vient essentiellement avec du contenu qui va nourrir les gens indépendamment des campagnes de pub 360 degrés. Et ça, ça va nous permettre d'influencer le consommateur sur le long terme, quand il est en train de faire une recherche, et même qu'il n'y a pas de campagne de pub présente ou en ligne. Donc 365, c'est, ou alors ce qu'on appelle les campagnes always on, c'est vouloir toucher le consommateur qui est à la recherche d'une information spécifique tout le temps, à travers le digital évidemment, pas faire 365 en télé ou en radio. Alors que là, ce sont des campagnes qui ont une durée de vie éphémère, on n'est pas là tout le temps. Alors, je vais vous montrer quelques autres exemples. Donc, Oreo, un des premiers annonceurs qui a exploité à fond 365 en surfant sur les réseaux sociaux. Vous connaissez le cookie Oreo. Il n'y a pas grand-chose à raconter, c'est bon ou c'est pas bon, mais il n'y a pas de nouveauté produit. Donc, comment faire en sorte d'être en top of mind, sexy, auprès de la jeune génération? Et ils ont trouvé un truc incroyable. C'est qu'ils se sont dit, bon, aujourd'hui, les jeunes sont plus sur leur écran et sur les réseaux sociaux que sur la télé ou les médias traditionnels. Donc, on va essayer, tous les jours, on va analyser quelles ont été les discussions ou la discussion du jour sur les réseaux sociaux. Et en fonction de ça, le soir, je crois que c'était vers 18h, on balance un visuel qui a un lien avec la discussion du jour sur les réseaux sociaux. On reparle de la mort d'Elvis, on parle du lancement du nouveau film de Batman, on parle de plein de trucs. Et chaque fois, il y a un visuel clin d'œil où Oreo va dire « Ah, aujourd'hui, vous avez parlé de ça ». Et ce qui permet d'avoir un taux d'engagement, parce que les gens vont réagir, évidemment. Ils ont déjà hashtagué plusieurs fois sur un sujet, et puis Oreo qui vient avec un chouette visuel qu'ils vont liker ou qu'ils vont retweeter ou reposter. Donc, voyons ça. Oreo recently celebrated a big birthday. Really big. Turning 100 can mean just one thing. You're old. Really old. Unless you give it a twist. The Oreo Daily Twist. A simple idea to make this old brand a vital part of pop culture, the digital world, and everyday conversation all at once. 100 pieces of content created in 100 days. In honor of the 100th birthday. 100% responsive. Here's how it worked. Every morning, we searched for what people were talking about. Once concepts were developed, there was a full production team waiting to execute. By 6 p.m., we pushed the day's twist out to Oreo's 30 million Facebook, Pinterest, and Twitter followers and archived it on Oreo's online hub. How do we kick it off? Well, maybe you heard about that. Oreos are gay. Monday night, Oreo posted this on their Facebook page. Neural wingnuts have to stop saying they're going to boycott Oreos because they made a gay cookie. But we didn't stop there, and neither did the fans. In just 100 days, we turned an old cookie into an icon. Oreo didn't just reflect the news, it became the news. And we made 100 years old look pretty young. Alors, ça a initié une technique chez pas mal d'annonceurs. On appelle ça la technique du newsjacking, où on va, en tant qu'annonceur, on va essayer de surfer sur l'actualité et faire un petit clin d'œil sans parler de son produit, sans faire de la promo. C'est juste un truc sympa. Alors on a, par exemple, on travaille pour Partenamut, qui est une mutualité. On a créé un personnage et bon, par exemple le match Belgique-Suède, bon, on va faire un clin d'œil sur le match et on, je sais plus ce qu'on avait mis, on espérait qu'on allait zlataner, on allait démonter Zlatan comme si c'était un meuble Ikea. Voilà, on fait ce genre de dessin. Finalement, ça n'a absolument rien à voir avec la santé et la mutualité. C'est juste de la sympathie, le clin d'œil newsjacking. On fait du hijack du news pour rendre la marque sympathique auprès d'une communauté. Donc ça, ça fait partie aujourd'hui des nouvelles tendances, des nouvelles techniques qui vont influencer le bouche à oreille, la sympathie, plutôt que de simplement faire une très belle exécution dans un spot télé où la marque parle d'elle et fait son autopromotion. Alors, autre manière de faire, c'est aussi, et on reviendra là-dessus, sur des techniques participatives dans la communication, où là, l'annonceur comprend qu'il ne doit plus uniquement parler de son produit, mais il doit faire intervenir, il doit faire rentrer les gens dans la campagne, leur donner la possibilité de partager et, des choses et de se valoriser auprès de sa communauté en s'amusant avec du contenu. C'est ce que Evian fait très très bien. Vous connaissez tous la campagne d'Evian avec les baby's face, mais ce n'est pas juste de l'affichage, c'est aussi tout un système digital participatif. On the 21st of April 2013, Evian released a new film, Just a Drop, and the flow of videos posted non-stop on the internet. But within 24 hours, this drop of Evian water turned into a stream, and then a river. Simultaneously, we launched the outdoor campaign with adults surprised to find themselves as babies on the opposite platform. We also released the Baby and Me app, transforming people everywhere to cute babies within seconds. And while the song from the film climbed the charts in Europe, the film continued to spread. It soon became a major social media blockbuster, even in China. Throughout the spring and the early summer 2013, we constantly added new ingredients to the Livian campaign. A lot of big happenings in public spaces, like the Baby and Me photo booth and the Evian soccer stadium, but also small events in local media. The film soon became one of the most shared commercials of all time, and needless to say, got a fair amount of attention in the media. Early October, we had more than 120 million views across the globe, probably a world record for a commercial. 24 million people had turned themselves into babies with a Baby and Me app, and thousands of people made their own creative contribution to the Livian campaign. Thanks for listening, and Livian. Incroyable, et puis voilà, le bouche à oreille s'est propagé. L'application où on se photographie et on a en même temps sa photo de bébé, genre de truc que vous partagez, même si au départ vous n'êtes pas vraiment passionné par Evian, la marque se rend extrêmement proche du consommateur dans sa stratosphère digitale. Alors, la nouvelle créativité, c'est aussi jouer avec des outils digitaux qui peuvent être une nouvelle source de créativité. Okay. Réfléchir à un problème et trouver à travers une application ou une plateforme une nouvelle solution. Et donc, ce n'est pas forcément dans l'exécution, ce n'est pas forcément dans la manière de faire la photo. C'est parfois dans l'utilisation d'une plateforme qu'on trouve la solution. Le cas ici pour des cours de conduite. Dintre cei care vor să devină șoferi obțin permisul de conducere din prima încercare. Cei mai mulți au probleme la proba teoretică. Each year in Romania, less students get their driver's license. But even those who succeed are often not fully prepared for the real roads, causing a national safety issue. One of the causes is an abstract learning method, almost a century old, and pretty disconnected from reality. After all, what has this to do with this? The Automobile Club of Romania invented a way to update driving schools for the digital generation. Introducing Street View Test, the first driving school method based on Google Street View. Its real-life scenarios are hand-picked by official instructors and turned into driving tests. This way, students can learn traffic rules directly on the streets they're going to drive on in a more effective and engaging way. Experienced drivers also help improve the platform by flagging on the website traffic mistakes and challenging situations which are constantly turned into new questions. aplicația se numește Street View Test, a fost creată de instructorii de la Automobil Club Român și se bazează exact pe greșelile făcute de șoferi. Street View Test vine în ajutorul celor care nu reușesc să treacă de testul teoretic. Chestionarele sunt mult mai apropiate de realitate față de cele folosite la examenele organizate de poliție. Aplicația este deja populară printre cei care fac școală de șoferi. E o perspectivă mult mai realistă și cred că ne-a scăpat de foarte multe accidente. The idea gathered wide media coverage and was picked up by Google Sandbox and the International Automobile Federation. It brought 35% more students to the Automobile Club School and raised the graduation rate by 50%. The method is currently being implemented in the Czech Republic and Latvia, with other countries to follow. Turning Google Street View into a global traffic education tool. Street View Test, a new generation of driving schools. Pas mal, hein? Autre manière d'utiliser une plateforme. Local qui utilise Snapchat. Un des problèmes, ça ne va jamais remplacer une grande campagne publicitaire pour un bricot, évidemment. C'est pas ça que je suis en train de dire non plus. Hein. Mais il y a une évolution et je me rends compte que les marketeers aujourd'hui qui sont en place, qui ont plus ou moins mon âge, ont un peu du mal à investir dans ce genre de solution qui va pourtant toucher la jeune génération qui sont les clients de demain. Et ça, il y a un gap qui est en train de se creuser. Donc quand on fait encore 40% d'investissement en télé avec des campagnes qui sont plutôt traditionnelles, ça ne nous permet pas d'être suffisamment sexy, intéressant ou de jouer dans l'environnement aujourd'hui de la jeune génération qui est la vôtre. Et ça, je pense que c'est un des soucis. J'espère que demain, quand vous serez au boulot, vous allez pouvoir réellement influencer vos patrons et les décideurs à faire les choses différemment en réfléchissant de manière beaucoup plus digitale. Dernier pour la route, et puis je prends congé de vous dans ces conditions qui ne sont pas idéales. J'espère que la semaine prochaine, ce sera mieux. Une école de langue qui trouve une manière assez sympa de, c'est pas donner des cours, mais de mieux apprendre certaines phrases en développant un algorithme qui est lié à YouTube. It's good to have trends. New things happen, I welcome them. I'm a very je trouve fantastique, c'est que les algorithmes nous ouvrent aussi les plein de portes au niveau de la créativité. C'est donc un nouvel avenir pour les créatifs qui nous attend. Plein de choses encore à voir la semaine prochaine. On verra un peu plus en profondeur le paid on earned. Merci, passez une bonne soirée et see you next week.